On est toujours sur Radio Cayenne, il est 22h50, on est lundi 29 octobre et on va vous parler de la proposition de loi visant à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs. La proposition de loi dont on vous parle a été déposée par Bruno Retailleau. Bruno Retailleau qu'on connaît bien par ici, à Nantes, parce qu'après avoir été quelques années le valet de Philippe de Villiers, lui-même à la tête d'un parti d'extrême droite souverainiste qui s'appelait le Mouvement pour la France, qui s'appelle toujours comme ça d'ailleurs, Retailleau a rejoint l'UMP, qui est devenu les Républicains. Et il s'est retrouvé à la tête du Conseil régional des Pays de la Loire. Retailleau, fervent pro-aéroport, il a le verbe prolixe lorsqu'il s'agit de cracher sur la gueule des manifestants et manifestantes. Rien d'étonnant donc qu'avec ses comparses de l'UMP, il ait déposé un projet de loi visant à renforcer l'arsenal judiciaire qui vise à criminaliser toujours plus les gens qui luttent. Et avant de vous dire de quoi il s'agit, on va vous faire écouter un petit bout du Sénat, histoire de se mettre un petit peu dans l'ambiance, parce que ce serait dommage de rater la mise en ambiance. Et après, on vous explique article par article de quoi il s'agit. Merci. La parole est à Monsieur Jérôme Bachet, du groupe Les Républicains. Cher. Monsieur le Président, Madame la Rapporteure, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Si manifester n'est pas mon mode d'expression habituel, je me battrai toujours pour la liberté de manifester. Mais pour manifester, il faut pouvoir le faire en toute sécurité. Et cet article vient protéger la liberté de manifester, contrairement à ce que j'ai pu entendre jusqu'à présent. Car lorsque des individus cagoulés, visage dissimulé par des casques, viennent dans des manifestations, il n'y en a aucune raison. S'ils sont là parmi la foule, alors ils menacent directement les manifestants, d'une part parce que les forces de l'ordre peuvent être amenées à contrôler par des moyens un petit peu durs ces membres-là et qu'il y ait des victimes collatérales dans les manifestants, mais d'autre part, cela n'interdit pas à des gens avec le visage dissimulé de faire des contre-manifestations à l'intérieur et de molester, du coup, les manifestants eux-mêmes. Et c'est de cela dont il s'agit. C'est bien de protéger d'abord les manifestants qui le font dans la liberté constitutionnelle. C'est aussi protéger, évidemment, les habitants et les voisins de ces manifestations qui sont les victimes collatérales et les victimes économiques. Mais c'est aussi protéger nos forces de l'ordre qui se battent à armes inégales avec ces commandos. Et monsieur le ministre, vous êtes sans doute celui qui les connaît le mieux aujourd'hui. Et je suis très content que vous soyez à ce poste aujourd'hui pour parler de ce texte. En effet, vous savez comme moi que tous ces gens qui sont cagoulés ne sont pas tous des casseurs, mais tous sont complices des casseurs. Il y a ceux qui viennent photographier, il y a ceux qui viennent juste énerver les forces de l'ordre. Et il y a ceux qui viennent vraiment casser. Vous connaissez par cœur ces régimes qui sont très compliqués et qui sont aujourd'hui non pas sur les réseaux sociaux, comme j'ai pu l'entendre, mais sur le darknet, et de manière militaire, de manière anarcho-militaire. Et c'est cela aujourd'hui qui est fait, et ce qui est fait en ville. Et j'ai bien entendu que ce sont des sujets urbains. Et aujourd'hui, c'est fait aussi à la campagne, monsieur le ministre. Et quand vous avez des gens cagoulés qui filment, qui s'attaquent par exemple à des chasses qui sont autorisées, c'est exactement la même chose, il faudra s'y pencher. C'est trop ridicule. Hey, je savais pas qu'on était aussi organisés en vrai. Si on était aussi organisés, on serait peut-être un peu plus efficace. C'était même pas Cazeneuve. Mais il a dormi sous un pied de bœuf ou quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Bon, les anarcho-militaires, on se calme là. Je peux raconter mon truc ou... Ouais, les anarcho-militaires, un peu de discipline. Non, mais oh. Un peu de discipline, C'est le parti qui l'a dit. Le donc, parti des anarcho-militaires. Les... Le PAM, le parti des anarcho-militaires. Donc, camarades anarcho-militaires. Qui sont-ils? Quels sont leurs réseaux? Voilà ce qui nous attend. Donc, ce projet de loi donc, qui vise à... Oh là là, c'est fatigant d'avance. Ce projet de loi qui vise à prévenir les violences lors des manifestations et à sanctionner leurs auteurs. Ce projet de loi, il se découpe en deux parties. Une partie prévention et une partie sanction. L'objectif est simple, dissuader toute personne qui souhaiterait faire des manifs autre chose que de grandes randonnées pédestres. Le projet de loi est assez simple. Il se découpe en 8 articles. Le premier, il vise à mettre en place des zones de contrôle avant, pendant et après la manif. Directement inspiré des périmètres de protection nés de la dernière loi antiterroriste, la commission des lois a quand même adapté le dispositif de peur de se faire retoquer par le Conseil constitutionnel. L'idée est donc de permettre aux préfets de prendre des arrêtés qui définiront des périmètres aux abords des manifs et où il sera possible de faire des inspections visuelles de sacs, bagages et des palpations de sécurité. Comme pour les périmètres de protection, les personnes qui refuseront de se soumettre à ces contrôles ou qui détiendront des armes se verront interdire l'accès à la manif. Le seul truc qu'a adapté la commission des lois, c'est que dans le cadre de ces périmètres de protection, les contrôles qui peuvent être faits par les flics, enfin les contrôles ils pourront être faits que par des flics, alors que dans les périmètres de protection qui ont été mis en place par la dernière loi antiterroriste en octobre 2017, les fouilles et les contrôles ils peuvent se faire par des policiers municipaux et des vigiles de boîtes privées sous avec un OPJ en fait, un officier de police judiciaire. Donc là pendant les manifs en fait il y aura pas de vigiles de boîtes privées, il y aura pas de municipaux, et c'est le truc qu'a obtenu la commission des lois en faisant croire que je sais pas quoi, que c'était un moyen de protéger nos libertés quoi. On se sent vachement rassuré. Sur la partie sur les armes, en fait, on disait tout à l'heure que les personnes qui refusent de se soumettre à ces contrôles ou qui détiennent des armes seront interdites d'accéder au périmètre de la manif. Les armes concernées, en fait, ce sont les armes qui sont définies dans l'article 132-75 du code pénal. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, en fait, ça concerne aussi les armes par destination. Le parapluie. Du coup, voilà, une arme qui pourrait, en fait, blesser quelqu'un. Voilà, ça, c'est le premier article. Du coup, ce premier article, l'élastique... Du coup, ce premier article, il instaure des zones de contrôle. Le second article, en fait, il permet au préfet d'interdire de manif toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui se soit rendu coupable à l'occasion d'une ou plusieurs manifestations sur la voie publique des infractions mentionnées aux articles. Donc on vous laisse chercher, donc je vais dire doucement pour que vous puissiez noter les articles. Donc aux articles 222-7 à 222-13, puis 222-14-2 à 322-1 à 322-3, 322-6 à 322-10 et 431-9 à 431-10 du code pénal. À vous de consulter. Voilà, le code pénal sur legifrance.fr. C'est disponible à tout le monde. Donc voilà, c'est les personnes qui se sont rendues coupables, comme si les gens se rendaient coupables. Quoi. Salut, je me rends coupable. Donc les personnes... Nous avons des raisons sérieuses de penser. que vous êtes coupables. Donc les personnes qui ont été condamnées à des infractions qui sont mentionnées à ces articles-là, ou soit des personnes qui appartiennent à un groupe... ou qui entre en relation de manière régulière avec des individus. Tu lui as fait la bise. incitant, facilitant ou participant à la commission de ces mêmes faits. En gros, tout le monde qui vient en manif, quoi. Des personnes qui sont affiliées au Darknet, quand même, parce qu'il a tout de même spécifié un moment. Tout à fait. Et je pense que les E de son intervention sont les points sur lesquels il faut le plus insister, à mon avis. C'est les points les plus pertinents. Dès qu'il y a un E, à mon avis, ça vaut le coup de trouver des arguments. Je ne sais pas pourquoi, mais ça pourrait valoir le coup. Et bien sûr, il ne s'agit nullement d'une atteinte au droit de manifester, au tout le contraire, hein, tout le contraire. Non, c'est pour protéger... Évidemment. Le droit de manifester. Puis je trouve ça vraiment super de préciser que ça veut rien dire. Oui, parce que j'ai entendu dire qu'ils sont partout sur les réseaux sociaux. la bonne blague, la belle histoire. Donc au passage, ils taquent Marine Le Pen, en fait, pour dire « Mais non, c'est encore pire. Ils sont sur le Darknet. » Franchement, j'ai l'impression de regarder Chair de poule dans les années 90 à la télé quand j'étais gamine, quand j'entends ça. Mais c'est quand on réécoutera ça dans 10 ans, à mon avis, on rigolera beaucoup. Mais grave, en fait, j'ai l'impression que le Darknet, c'est un marronnier journalistique et c'est une histoire pour se faire peur entre adultes qui n'y connaissent rien à l'internet, en fait. Conte d'Halloween. D'où l'intérêt d'étudier les E, qui, à mon avis, sont très pertinents. Donc, c'est un peu dur à reprendre. Donc, ce second article, en fait, il permet de condamner. Pas du tout de condamner. Il permet d'interdire de manif toutes les personnes, donc tous les articles qu'on a cités tout à l'heure, et toutes les personnes qui appartiendraient à un groupe ou qui entrent en relation de manière régulière avec des individus qui incitent blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, blablabla, de ces mêmes articles. Et la petite nouveauté, c'est que, en fait, du coup, ces personnes qui seraient interdites de manif, c'est pas la justice, en fait, qui va décider que ces personnes sont interdites de manif, c'est le préfet, comme pendant l'état d'urgence. Le préfet peut interdire de manif, du coup, toutes les personnes qui ont été citées tout à l'heure. Le préfet, il peut aussi assortir cette interdiction d'une obligation de pointage auprès d'une autorité de son choix. Et du coup, là aussi, la commission, je vais essayer de me détendre un peu et de le dire mieux, je vais respirer tout ça. Donc le préfet, il peut assortir cette interdiction d'une obligation de pointage auprès d'une autorité de son choix, donc le plus souvent quand même auprès d'un commissariat ou d'une gendarmerie, jusqu'à ce que les commissariats en aient marre parce qu'il y a trop de monde. Et du coup, cette interdiction de manif, en fait, là aussi, la commission des lois, elle a été d'une grande aide quant à la protection de nos libertés les plus fondamentales, puisqu'elle a ajouté à cet article l'obligation pour la préfecture de prévenir la personne interdite de manif. C'est mieux quand même. Ce qui est quand même à peu près pas mal, puisque si tu sais pas, ben tu sais pas. C'est un peu ironique ce que je dis, mais bon, c'est un peu du foutage de gueule de leur part. Pour les gens, il y a moyen sur le site de Public Sénat d'aller regarder en fait la séance du Sénat qui a validé ce projet de loi et de vraiment voir la rapporteuse de la commission des lois dire qu'ils ont fait une grande action en disant qu'il fallait prévenir les personnes interdites de manif. Donc deuxième article, l'interdiction de manif. Troisième article, il vise à créer un fichier national des personnes interdites de manif qui soit consultable par tous les flics. Parce que jusqu'à présent, seules les personnes qui étaient interdites de manif dans le cadre d'une décision judiciaire, c'est-à-dire à titre de peine complémentaire, elles figuraient au fichier des personnes recherchées quand même, hein. Mais en tout cas, elles figuraient dans un fichier. Et là, s'ils décident qu'il y a des interdictions administratives donc prises par les préfectures, il faut bien mettre les personnes dans un fichier. Donc ils pensent à la création d'un nouveau fichier. Du coup, si t'es interdit quelque part, tu peux pas aller ailleurs, quoi. C'était interdit. Alors ça, ils sont en train d'y penser, justement, parce que... du coup, oui, effectivement, si t'es interdit de manif, genre à Nantes, t'es interdit de manif à Nantes, mais tu pourras biper, genre t'es à Marseille, tu te fais contrôler, tu peux biper que t'es interdit de manif à Nantes. Bon. Et là, ils sont en train de réfléchir à interdire les gens sur des périmètres plus grands, en fait, que les périmètres d'où habitent les gens et de les interdire de manif un peu plus... largement, ouais. Mais du coup, si t'es interdit de manif, tu peux aller te faire voir sur le dark web, c'est ça? Peut-être. Manifestation peut-être. Sur le dark web. Donc, une manifestation. Bon, on rigole beaucoup ici, mais j'espère que vous avez bien compris. Drôle, ouais. Un premier, du coup, je résume la première partie du projet de loi. Premier article, les zones de contrôle avant les manifs, donc des périmètres où on peut fouiller, faire des palpations de sécurité. Sur les gens qui, s'ils refusent de se soumettre à ça, ne rentrent pas dans la manif. Le second article qui permet l'interdiction de manif à des gens et interdiction posée par la préfecture. Et troisième article qui crée un fichier national des personnes interdites de manif. Donc ça, c'est la partie prévention. La prévention selon Retailleau et ses potes. Donc jusqu'à présent, les contrôles et les interdictions de manif, excepté dans le cadre de l'état d'urgence, ça devait être autorisé par une autorité judiciaire. Les contrôles, ça doit être autorisé par des réquisitions de procureurs. Et les interdictions de manif, c'est pris à titre de peine complémentaire dans le cadre d'une condamnation en lien avec la participation à une manif. Donc en guise de prévention, on voit surtout qu'il s'agit là de donner plus de pouvoir au préfet et donc plus de pouvoir aux flics. Donc ça, c'est la première partie de ce projet de loi. La seconde partie, c'est aussi corsé. L'article 4. L'article 4, il crée le délit de port de cagoule ou autre truc servant à se masquer en manif. Non, il fait pas froid. Jusqu'à présent, le fait de se masquer relevait soit d'une contravention, soit d'une circonstance aggravante dans le cadre d'une manif. Retailleau et ses potes proposent d'en faire un délit à part entière, susceptible d'être puni d'un an de prison et de 15 000 euros d'amende. Article 4. Article 5. L'article 5 crée le délit de port d'armes, y compris port d'armes par destination, dans ou aux abords d'une manifestation. Parapluie. Comme pour le précédent, le port d'armes, c'était une circonstance aggravante. Par exemple, participation avec armes à un attroupement après des sommations. Là, il s'agit d'un délit à part entière, susceptible d'être puni de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Voilà. Tout comme le fait de jeter des projectiles sur les flics, ainsi que la tentative de jeter des projectiles. Tentative de jeter des projectiles, oui, c'est assez étrange. J'avoue. J'ai jeté un truc, mais j'ai vraiment pas réussi. Je l'ai lâché finalement. Et je passe quand même en procès. À noter que les projectiles lors de la dernière manif unitaire de Nantes, quand tu passais après la dissipation de la lacrymo allègrement dispersée, c'était des trucs de peinture et des petites boules de coton, là, les cotillons que tu balances pendant les fêtes. T'avais que ça au sol en fait. Super. Donc cet article sur les armes et les armes par destination, s'il passe, il va mettre à mal nos capacités en fait de se défendre devant les tribunaux. Parce que le jet de projectile, en fait, c'était pas à proprement parler un délit. Les gens qui passaient au tribunal, ils passaient plutôt pour violence. Et les flics essayaient de faire passer le jet de projectile pour des violences. Et du coup, un simple jet de projectile qui n'atteignait personne, ou qui n'atteint personne, puisque cette loi n'est pas encore passée, c'est pas toujours considéré, en fait, comme de la violence. Quant à la tentative de violence, en fait, ça existe pas dans le code pénal. C'est logique, ça n'a pas de sens, en fait. Et du coup, ça vise à combler ce que les flics considèrent comme des lacunes dans le code pénal. Et on voit bien, en fait, que cet article, les autres aussi, hein, mais notamment cet article 5, en fait, c'est bien la demande des keufs. Et c'est bien encore un truc que les keufs vont gagner. Et ça fait encore, en tout cas pour moi, une occasion de rappeler que les seuls corps de métier, en fait, qui gagnent en ce moment, les seuls qui se mobilisent et qui gagnent en ce moment, c'est les keufs, en fait. Les keufs. La droite, l'extrême droite, les keufs. Ça rappelle une certaine époque, nous dit-on dans l'oreillette. Donc ça, c'était l'article 5, hein, port d'armes, y compris des armes par destination et la tentative de violence, la tentative de jet de projectile. Article 6. L'article 6, il modifie et il renforce la peine complémentaire d'interdiction de manifester. Et les sanctions pour celles et ceux qui ne respectent pas cette interdiction, je vous invite à regarder. Moi, je n'ai pas fouillé en détail, mais justement, ça. En fait, l'interdiction de manifester, elle est censée être proportionnelle. Elle est censée être proportionnelle en fait au délit qui a été commis. Alors là, on parle de l'interdiction de manifester en tant que peine complémentaire, hein, pas de l'interdiction dont on parlait tout à l'heure qui était décrétée par un préfet. Donc là, en tant que peine complémentaire décrétée par un juge.

Adec sur la plaquette. Adec sur la A7. Tout le monde nique la bague. Ta mamie nique la bague. Nique la bague. Tout le monde nique la bague. Même la bague nique la bague. Ouais, je nique la. On met le K.O.A. On met le K.O.A. On met la cagoule. On met les lunettes. À trois, ça caillasse la bague. Un, deux, trois, quatre. Caillasse la bague, caillasse la bague. Nique la bac, tout le monde nique la bac. Même la bac nique la bac, ouais je nique la bac. Tout le monde nique la bac. Ma grand-mère nique la bac, ouais je nique la bac. Tout le monde nique la bac. J'suis plazade, retiens les plaques. Tu prends le pétard, tu lui enfonces dans l'œil.